الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Après avoir évoqué la manigance qu'avaient fomenté les frères de Youssouf afin de l'éloigner du regard de leur père, Allah tabaraka wa ta'ala évoque l'événement et l'épisode où ils décidèrent de le jeter dans le puits afin de l'éloigner de leur père. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأصغروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Sourate 12, les versets 19 et 20. Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, « Bonne nouvelle, voilà un garçon !» Et ils le dissimulèrent pour le vendre, telle une marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait, et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, « Allah nous informe qu'une fois jeté dans le puits, Youssouf alayhi salatu wa salam attendit la délivrance d'Allah et sa prévenance envers lui. Or vint une caravane, c'est-à-dire des voyageurs. Les gens du livre ont dit, ces voyageurs transportaient avec eux de l'arachide, du pain et de la résine. Ils venaient du Shem et ils se dirigeaient vers l'Égypte. Ils envoyèrent donc un des leurs puiser l'eau du puits, et lorsque cet homme fit descendre son seau dans le puits, Youssouf alayhi salatu wa salam s'y accrocha et remonta avec le seau. En le voyant, l'homme s'écria « Bonne nouvelle, voilà un garçon !» Et ils le dissimulèrent pour le vendre, telle une marchandise. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux gens qu'ils avaient avec eux un enfant faisant partie de leur marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait. Allah savait parfaitement ce que les frères de Youssouf alayhi salatu wa salam avaient comploté contre lui, et comment ceux qui le trouvèrent le cachèrent en le considérant comme une de leurs marchandises. Malgré tout ceci, Allah ne changea pas sa condition dans l'immédiat, en raison de la grande sagesse qu'il y a en cela, de son sort déjà décidé, et du fait qu'il allait être une miséricorde pour les habitants d'Égypte, en ce qu'Allah réalisera à travers cet enfant qui entra dans ce pays en esclave, avant qu'Allah ne lui accorde les rênes du pouvoir pour venir en aide aux habitants d'Égypte dans leurs affaires de ce bas monde et de l'au-delà, d'une manière incernable et indescriptible. Fin de citation. En effet, après avoir trouvé Youssouf, alayhi salat wa salam, ces caravaniers auraient dû annoncer cette nouvelle aux habitants avoisinant le puits, ou bien encore écouter ce qu'avait à dire Youssouf, alayhi salat wa salam, afin de le ramener chez lui. On rapporte qu'il avait 17 ans à ce moment-là. Il aurait été capable de décrire les raisons qui l'ont amené dans ce puits. Ils ne firent rien de tout cela, mais bien au contraire, ils le cachèrent, espérant ainsi le vendre. Les frères de Youssouf, se trouvant non loin de là, et étant témoins de la scène, se présentèrent et revendiquèrent cet enfant, en prétendant qu'il était un esclave fugitif leur appartenant. Après quelques négociations, ils le vendirent à vil prix, afin de réaliser leur objectif, à savoir l'éloigner de leur père, et en prenant l'engagement de leur acheteur que le jeune homme ne devait pas s'enfuir. Ils le considéraient comme indésirable, comme Allah le dit tabaraka wa ta'ala dans le Coran, « Wa kanu fihi min az-zahidin ». Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, « Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan ». وكذلك مكننا ليوسف في الأرض هو لنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. à Sourate 12, les versets 21 et 22. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi, avons-nous raffermé Youssouf dans le pays. Et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, nous dit concernant la parole d'Allah, et celui qui l'acheta était de l'Égypte, il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité, il se peut qu'il nous soit utile, ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Cela découle de la prévenance d'Allah Jalla Jalalu à son égard, de sa miséricorde et de sa bonté envers lui, car il voulait le préparer à recevoir de lui les biens de ce monde et ceux de l'au-delà. Ainsi, avons-nous raffermi Youssouf dans le pays, de la même manière que nous avons destiné El-Aziz et son épouse à prendre soin de Youssouf alayhi salat wa salam et à être bon avec lui. Nous l'avons établi dans les terres d'Égypte et nous lui avons appris l'interprétation des rêves, c'est-à-dire les comprendre et les interpréter. Et Allah est souverain en son commandement. Lorsqu'il veut une chose, il lui prédestine des causes et des éléments que les gens ne peuvent saisir. C'est pour cela qu'il dit, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Tout cela démontre que ces faits se sont déroulés avant qu'il n'eût atteint sa maturité, c'est-à-dire 40 ans, âge à partir duquel Allah, le Seigneur de l'univers, fait descendre sa révélation au prophète. Fin de citation. Il a été dit que celui qui acheta Youssouf alayhi salat wa salam fut Foutifar. Foutifar, surnommé dans le Coran par El-Aziz, qui était le chef de la ville de Memphis, capitale de Basse-Égypte, connue aussi sous le nom de Menfou en arabe. Sa femme, elle, est connue chez les Arabes sous le nom de Zulikha, et chez les Hébreux sous le nom de Ra'il. On peut comprendre de ce verset que El-Aziz acheta cet enfant pour sa femme. Ou alors, on peut le traduire par le fait qu'il acheta cet enfant, puis il dit à sa femme. Alors, si on comprend le verset, dans le sens où il acheta cet enfant pour sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité, il se peut qu'il nous soit utile, ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ceci sous-entend qu'il n'avait pas d'enfant, et qu'il décida de lui acheter un enfant afin qu'elle l'éduque et qu'elle le considère comme son fils. Il dit donc à sa femme d'être bienfaisante envers cet enfant et de lui accorder une généreuse hospitalité dans sa demeure afin qu'il gagne son amour et que ce dernier, en reconnaissance de tout ceci, soit vertueux envers eux. Ainsi, nous avons raffermi Youssouf dans le pays et ceci est corroboré par le verset suivant de la sourate Youssouf, le verset 56. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Ainsi, avons-nous raffermi Youssouf dans le pays, et il s'y installait là où il le voulait. C'est à partir de là que nous passons à un autre épisode important de la vie de ce grand prophète, à savoir sa nouvelle vie en Égypte, sous la tutelle d'Al-Aziz. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته